Juste trois mots. Au terme de cette matinée de dialogue, je voudrais faire trois remarques. Après vous avoir remercié de votre présence et après avoir dit à notre directeur toute notre estime, notre reconnaissance, nos remerciements pour les 8 années passées à la direction des Archives de France. Trois remarques. La ministre, ayant annoncé que le Conseil supérieur devait être un organe de dialogue, parfait. Mais ce dialogue, il doit l'être évidemment avec les professionnels des archives, mais aussi avec tous les utilisateurs des archives, pas uniquement avec les professionnels. Nous allons créer une plateforme Internet ouverte à tous et le Conseil supérieur portera ce débat. Il ne s'agit pas de créer un nouveau comité, quel qu'il soit, mais de travailler dans le cadre du Conseil supérieur des archives, dont c'est la vocation de faire fructifier le dialogue de tous et pas simplement avec les professionnels. Deuxième remarque, a été évoquée la sélection des archives à conserver. Je souhaite qu'une réflexion s'ouvre pour, dans le cadre de cette réflexion, une meilleure association des usagers aux modalités de sélection des archives. Cela vaut pour moi pour les archives nationales, mais aussi pour les archives départementales ou territoriales. Troisième remarque. J'ai écouté avec attention la ministre. Les mots ont un sens. Elle a précisé que notre réflexion s'intègre non dans un objectif de coût, non dans un objectif de rationalisation des coûts, mais dans une réflexion sur une meilleure organisation des archives. Dont acte. Ne faisons pas de procès d'intention. Maintenant, il nous appartient à tous de faire vivre ce dialogue, à tous de réfléchir à cette meilleure sélection des archives en y associant tout le monde. Vous vous souvenez toujours ce que disait Anatole France, enrichissons-nous de la vérité des autres et ne nous restons pas dans notre vérité. Faisons preuve d'un esprit imaginatif. Vous savez aussi ce que disait le philosophe Alain, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Eh bien, faisons vivre ce dialogue, non pas avec mauvaise humeur, mais avec une volonté d'optimiste, et faisons en sorte d'imaginer un service des archives répondant aux vœux et aux exigences de tous, professionnels, non professionnels, parce qu'il s'agit de la mémoire de notre pays. Merci.